la vie, car certaines volent. Et sont... Ainsi va la vie, car certaines volent. Les sentiments. Ainsi va la vie, car certaines volent. Les sentiments et d'autres, les sentiments. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. Hardcore mix. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. Hardcore mix. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. Hardcore mix. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. Je suis Abruzzo, le son unique, le vrai, inimitable, original, car tout ce qui bouge le mix. Trop de chiennes, trop de salopes, mais je ne m'en plains pas tant que derrière moi il y a top. Stop, le jeu bloque les pieux. Oui mon vieux, je suis un libertin et je sais comment foutre le feu. Approuve ou désapprouve, mais trop souvent quand je les trouve, je les coupe, les fais hurler comme des douves. C'est fou l'effet que ça me fait. Chaque fois que je prends mon carnet, je me demande à qui je pourrais livrer du cornet. Tant que ça me plaît, je fais et puis refais comme un prof de français. Je leur apprends de plus que parfait. Si j'ai envie d'une pipe, je compose des numéros, puis après le bip, je laisse des messages pour qu'elles viennent très vite. Pour qu'elles commencent le rite. Non, ce n'est pas un mythe. Elles viennent tout en sautant comme Kermit. La grenouille, juste pour me bouffer les couilles. Pour que je ne leur donne pas à manger leur ventre gargouille. J'attire des chaudes, éjecte les pecnaudes. Quand Caroline nous maude, je ne rentre jamais en fraude. Tout comme Claude, je dis qu'il sème le vent, récolte le barreau. Mais je reste méfiant quand s'approche les cachots. Même du flouz, j'ai du mal à dire non quand les jeunes filles tournent le blues. Je suis comme un barbouze, je peux remplir en évitant les blouses. Des bonnets volent toutes que je les épouse. Je n'oublie pas le préservatif avant de devenir trop actif. Je suis prudent, jamais passif, j'ai trop de fous à mon actif. Je ne crois plus aux satellites touche-touche qui disent non quand tu les touches. 10 minutes après, ils ont quelque chose dans la bouche. Je me fixe sur le mix, puis je deviens hardcore X. Quand ma guinguette mène l'enquête, je suis plus fort que ma nix. J'aime le hardcore X, respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. Hardcore mix. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. Hardcore mix. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. Hardcore mix. La pomme de la vie à pleine dents, car pour moi toutes les femmes sont d'aide. Je suis attent, j'ai un faible pour certaines. Pour d'autres, je suis comme le grand mitaine qui s'enchaîne. Des chiennes qui tiennent et puis se souviennent. Les plus coriaces y viennent. Certaines m'entretiennent et la plupart y reviennent. Je les marmite comme une marmite. Toujours en rue pour la gloire, tout ça c'est but comme belle c'est but. Je peux te libérer des putes. Tout comme mal dit des putes, je me baisse pour entrer dans les huttes. Tu marques mon but, sans deux tas, chahuta, un putain, sans fil trop tard, c'est ta. Le choc de ma boîte, la sabote comme un uppercut. Je suis tout hâta, c'est pour ça qu'elles peuvent m'appeler rocket. Si Freddy ou bien elle penserait, car quand je vise, je ne rate jamais l'arrêt. Vise, les françaises, les andalouses, de Mulhouse à Toulouse, rit mon nom. Et ça se suit pas une tartouze, comme Patrice Carrouze. Pas sa douce, comme des ventouses, elle couse, des couches, mes chouses, mon pénouse, et puis même ma blouse. Parfois elles y mettent même à douze, pour que je dors donc la pelouse. Elles ne veulent plus me lâcher comme une ventouse. Mais je mets de ma barque, tout comme ma monarque. Il faut savoir vendre sans pour autant se prendre pour un narc. Les narcos ne comprennent pas pourquoi moi je suis si chaud. Avec Marton, Rando, qu'est-ce quoi quand je glisse. Deux secondes dans ton cuisse, deux secondes je m'immisce. Oh oui, de la poube à la roue, je n'épargne pas sa roue. Mon bacou n'est pas seul pour m'amener jusqu'au bout. Puis je fous et refous de terribles, terribles coups. Donc tu les brouilles, facile. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Si tu aimes le sexe, dis sexe. Si tu ne l'aimes pas, sache que ça me vexe. Dédicace aux actuels qui mon sexe, qui savent que je suis naturel, sans coke et sans sexe. J'ai du mal à contrôler mes réflexes. Et ne l'ai jamais perplexe dans un studio ou dans un duplex. Je n'ai jamais de complexe. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix. Hardcore mix. J'aime le hardcore mix. Respect à toutes les femmes quand je me fixe sur le mix.